chanson c'est fini. Pourquoi recommencer ta sortie? Tu ne veux pas la rater. Vraiment rien qui te fasse encore envie. Vraiment rien qui te retienne ici. Ta sortie, tu ne veux pas la rater. C'est trop tôt pour t'arrêter. Y'a mieux à faire. N'écoute pas Chris Bailey. Sera un autre jour. Résiste encore. Tu peux rien expliquer. T'arrêtes pas de gueuler. Si tu ne fais pas d'effort, rien ne peut t'arriver. Ta sortie, tu ne veux pas la rater. Je voudrais t'aider. Te dire de t'accrocher. On est jeune, on est con. Faudra t'y habituer. Ta sortie, Chris Bailey, c'est ton lunatique. Sera un autre jour. Résiste ton corps. Demain sera un autre jour. Résiste au rêve. Résiste.